Je trouve... Vous trouvez quoi ? Que les choses avancent. Très bien. Vous trouvez que les choses avancent. Pas assez rapidement. Tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Si vous entreprenez quelque chose vous-même, vous creusez le sol sous vos propres pieds et vous tombez. Restez discret, Joseph. Surtout n'attirez pas l'attention sur vous. Il vaut mieux laisser votre avocat faire son travail. Non. K doit se débarrasser au plus tôt de l'avocat Huld. Une fois engagé avec votre avocat, c'est un bail à vie. Pourtant, un jour arrive où l'accusé et l'avocat sont dans l'impossibilité de communiquer. Ça leur est formellement interdit. De plus, le tribunal renvoie toutes les requêtes comme de la vulgaire paperasse. Tout ceci ne signifie pas forcément que le procès soit perdu, non pas. Mais désormais, plus rien ne transpirera jamais. Heureusement, ce genre de cas est exceptionnel. Et même si votre cas en est un, il est pour le moment loin d'en être à ce stade. Il y a encore, pour le moment, je répète, la place pour un travail d'avocat. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. 8e épisode, Le commerçant. Avec Stéphane Valency, Audrey Meul, Jean-Claude Durand, Bruno Labrasca. C'est l'hiver, 10h du soir. K passe tout son temps à réfléchir à sa défense. Cela lui coûte sa force de travail. K doit absolument écrire sa requête lui-même. Et s'il ne trouve pas le temps pour cela à la banque, ce qui est probable, il faudra le faire la nuit, chez lui. Si les nuits chez lui ne sont pas suffisantes, il faudra qu'il prenne un congé. Il n'a pas le droit de s'arrêter à mi-chemin. Ce sera la solution la moins raisonnable. Certes, la requête va représenter un travail sans fin. Il imagine que terminer la rédaction de cette requête serait impossible. Il ne connaît même pas les chefs d'accusation. Il faudra qu'il se souvienne de sa vie entière, des moindres événements, puis qu'il vérifie la précision de chaque détail. Mais il a même oublié une chose primordiale, congédier l'avocat. Il pense maintenant que l'avocat, comme tous les autres, veut lui voler son propre procès pour l'empêcher d'intervenir et qu'ainsi, un beau jour en son absence, le jugement sera rendu. Lini, dépêche-toi quand même! K entre, il a juste le temps d'apercevoir Lenny en petite tenue qui se sauve et disparaît. Devant lui, un petit bonhomme, maigre, avec une grande barbe, qui tient une bougie à la main. Qui êtes-vous ? Vous travaillez ici ? Il est à moitié habillé. Non, je suis un client de l'avocat. Je suis là pour affaires. En caleçon ? Oh, excusez-moi. Lenny est votre maîtresse ? Mais, non, mon Dieu, mais comment pouvez-vous imaginer ? Qui êtes-vous ? Bloch, commerçant. C'est votre vrai nom ? Vous en doutez ? Peut-être que vous vous cachez derrière ce nom. Mais... Où se cache-t-elle, Lenny ? Se cacher, mais... Elle est à la cuisine. Elle prépare la soupe pour l'avocat. Voyons voir. Bonsoir, Joseph. Qui est cet homme ? Lequel ? Oh, tu veux dire Bloch ? Mais c'est rien, un malheureux, regarde-le. Pourquoi tu es en chemise ? C'est ton amant, ce malheureux ? Je ne veux pas que tu m'embrasses. Réponds. Tu n'es pas jaloux de Bloch. C'est un client de l'avocat. Je le fais seulement patienter quand l'avocat prend du retard. Rudy, aide-moi. Je ne vois pas pourquoi vous seriez jaloux. En vous regardant en caleçon, je ne vois pas non plus. Tu restes avec moi cette nuit. Ça fait très longtemps. Même Maître Hull demande de tes nouvelles. Tu négliges ton procès. Va m'annoncer à l'avocat. Il somnole. Ce que j'ai à lui dire va le réveiller. Va donc, apporte-lui sa soupe. Il vaut mieux qu'il prenne des forces pour notre entretien. Tu pourrais être un peu aimable quand même. Vous êtes donc aussi un client de l'avocat ? Ça vous regarde ? K n'est pas content. Il est bien décidé à congédier l'avocat et il avait envie d'en parler avec Lenny. Mais la présence de ce misérable commerçant l'en empêche. D'un autre côté, peut-être que le bonhomme a quelque chose à dire à ce sujet. Depuis quand est-ce que l'avocat vous représente ? Pour mon procès ? 5 ans au moins, oui. Mon procès dure depuis 5 ans déjà, je crois. J'ai tout noté dans mon cahier. Je peux vous donner les dates exactes, mais... Mais... Vous ne me trahirez pas. Je ne suis pas un traître, moi. Il est très vindicatif, l'avocat. Pas contre un client fidèle comme vous. Oui, mais justement, je ne suis pas tout à fait fidèle. Comment ça ? Si je vous fais une confidence, il faut que vous m'en fassiez une aussi. Comme ça, on sera à égalité devant l'avocat. D'accord. J'ai d'autres avocats à part lui. Et alors ? C'est interdit. J'en ai 5 en cachette. Et je suis en train d'engager le 6e. 6 avocats ? Plus Hulde ? Pourquoi faire ? Gagner mon procès, pardi. J'y ai mis tout ce que je possède, toutes mes économies. À l'époque, je possédais tout un étage avec plein de bureaux et d'employés. Maintenant, j'ai une toute petite pièce dans une cour et un apprenti seulement. Quand on veut faire avancer son procès, on ne peut pas s'occuper du reste. Et vous, quelle stratégie avez-vous pour votre procès ? Comment savez-vous que j'ai un procès ? Je vous ai vu au tribunal le jour de votre interrogatoire. Quel hasard ? Pas vraiment. J'y suis presque tous les jours. Cela ne veut pas dire que je suis accusé ? Si vous m'avez vu au tribunal, peut-être que je suis juge. Mais non ! Ça se voit tout de suite que vous êtes accusé. Ça se voit ? Oui, à vos lèvres. Vous dites des âneries. Je vous le jure, il y a des gens qui peuvent lire tout le procès sur le visage de l'accusé. Et surtout dans la forme des lèvres. Et qu'est-ce que l'on a pu lire sur la forme de mes lèvres ? Que vous serez certainement condamné, sans le moindre doute. Des superstitions ? Tout à fait. Des pensées absurdes ! Ce sont les fruits de vos attentes infernales au tribunal. J'y ai vu des gens qui attendent inutilement. L'attente n'est jamais inutile. La seule inutilité est d'essayer d'entreprendre quelque chose soi-même. J'y crois pas. Votre procès n'est vieux que de 6 mois. Il est tout jeune. Je me souviens de l'époque où mon procès avait l'âge du vôtre. Je n'avais que l'avocat Hulde. Et déjà, je n'en étais pas content. Mon procès n'avançait pas. Il y avait des enquêtes, je rassemblais des éléments pour monter un dossier, déposais mes livres de compte au tribunal, ce qui n'était même pas obligatoire, et courais chez l'avocat qui avait déposé plusieurs requêtes. Plus tard, j'ai appris que ces requêtes n'avaient aucune valeur juridique. Elles étaient très savantes, mais vides de contenu. Une partie était écrite en latin, totalement incompréhensible, suivi par des flatteries pour certains fonctionnaires, puis des éloges à lui-même mélangés au passage d'humiliation où Hulde s'est comporté comme un chien devant le tribunal, et enfin des références aux lois anciennes qui pourraient, selon lui, avoir des liens avec mon cas. Pour moi, l'avocat n'a même pas déposé la première requête, ce que je trouve scandaleux. C'est très rare de voir avancer un procès. Dans mon cas, il y avait des délégués du tribunal qui venaient plusieurs fois par semaine pour me poser toujours les mêmes questions, ce qui finit par poser des problèmes dans le milieu des affaires, mais aussi dans ma famille. Et quand le bruit que j'étais en procès a commencé à se répandre, j'ai été offensé de toutes parts. Mais malgré tout cela, pas la moindre mention d'une date de séance au tribunal pour mon procès. Quand je demandais à l'avocat, il me disait que personne n'avait d'influence sur la date de la séance et que l'on n'avait même pas le droit de poser cette question. Donc j'ai cherché d'autres avocats, mais aucun d'entre eux n'arrivait à obtenir des renseignements sur la date de la séance. Mais pourquoi alors ? Parce que l'avocat Hulde et les autres que j'ai embauchés ne sont que des petits avocats. Il existe apparemment de grands avocats, mais j'en ai seulement entendu parler et je ne les ai jamais vus. Les grands avocats ? Tous les accusés rêvent d'eux, mais je ne connais aucun cas pour lequel on peut affirmer qu'ils soient intervenus. Et en plus... On ne peut pas les embaucher. Ils ne défendent que les accusés qu'ils ont envie de défendre. L'avocat va te recevoir. J'ai encore des questions à poser à ce monsieur. Plus tard. Plus tard? Bien sûr, Bloch dort ici. Il dort ici? Oui, tout le monde n'a pas ta chance. Reçu tout de suite par l'avocat, même tard le soir comme maintenant, et malgré sa maladie. L'avocat reçoit plus facilement ce monsieur parce que son procès est plus intéressant que le mien. Et en plus plus jeune, donc moins enlisé. Plus tard, ce sera autre chose. Pauvre Bloch, lui ne sait jamais quand il sera reçu. Il doit se tenir toujours prêt. Parfois, je l'annonce et il est reçu 3 jours plus tard. Mais s'il n'est pas ici présent au moment même de l'appel, il faut l'annoncer de nouveau et puis attendre encore des jours. C'est pour cela qu'il dort ici, au cas où l'avocat le convoquerait en pleine nuit. Vous êtes donc très dépendant de l'avocat. Comme tout le monde. Pas moi. Vous dormez où, en fait? Dans la chambre de Bonne. C'est trop rare. Bon, mets-le donc au lit. Je vais voir l'avocat. Monsieur le fondé de pouvoir, attendez. Vous oubliez votre promesse. Vous me devez une confidence. Oui, mais ce n'est même plus un secret. Je vais de ce pas congédier l'avocat. Quoi? Congédier l'avocat? Impossible, c'est la folie. Je ne vous ai pas vu depuis un moment. Bientôt, je ne vous recevrai plus à une heure aussi tardive. C'est parfait, cela me convient. Vous avez fermé la porte à cause de Lenny. Elle me colle. Évidemment, vous êtes accusé. Je ne comprends pas. Tout accusé est beau à ses yeux. Elle les aime tous et elle est aimée de tous. Parfois, pour me distraire, elle me raconte ses histoires avec les accusés. Bizarre. Pas du tout. C'est un phénomène lié aux sciences naturelles. Les accusés sont beaux, tout le monde le sait. Ce n'est pas la culpabilité qui opère, non. D'ailleurs, ils ne sont pas tous coupables. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. Même ce commerçant se bloque. Même ce crapaud minable. Vous aviez quelque chose à me dire? Oui. À partir de cet instant, je vous décharge de mon affaire. On reparlera de ce projet. Ce n'est pas un projet. C'est définitif. Je n'ai jamais eu autant de soucis que depuis que vous me défendez. L'avocat s'assoit sur le bord du lit. Ses jambes nues tremblent de froid. Vous allez attraper froid comme ça? Joseph, réfléchissez, ayez confiance en moi. Votre oncle est un ami de longue date, et je vous avoue que vous aussi, vous m'êtes devenu très cher. C'est vrai que vous m'avez communiqué des renseignements sur beaucoup de choses. Mais maintenant que le procès se rapproche de plus en plus de moi, tout en secret, cela ne me suffit plus. Au bout d'un certain temps, dans des cas comme le vôtre, il ne se passe plus grand-chose. Pourquoi maître Huld tient-il autant à cas? Il n'est pas en difficulté financière? Un client de plus ou de moins ne changerait rien pour lui? Le procès de K serait-il si extraordinaire que le vieil avocat veuille l'utiliser comme un faire-valoir auprès de ses amis du tribunal? Et si K cède, qu'il ne le congédie pas, ce serait de nouveau des bonnes paroles, de vagues indications sur les progrès faits au tribunal, des espoirs et des menaces imprécis? Je m'en vais. Encore un instant. Je voudrais vous montrer combien vous êtes bien soigné comparé aux autres accusés. Faites vite. De toute façon, je vous retire ma défense. On verra bien. Lenny! Laisse-la entrer. Fais venir Bloch. Bloch! Chez l'avocat. Lenny se place derrière le fauteuil de K, lui caresse les cheveux en cachette. Il la repousse, mais elle persiste. Alors il empoigne sa main et la serre fort pour l'empêcher de bouger. L'avocat reçoit Bloch, mais il lui tourne le dos. Bloch, ici. À votre service, maître. Qu'est-ce que tu veux? C'est vous qui m'avez convoqué, maître. Qu'importe. Voulez-vous que je m'en aille ? Tu es là maintenant. Reste. Bloch s'agenouille à côté du lit de l'avocat. Il soulève soigneusement le duvet de Huld, selon toute vraisemblance, pour attraper sa main afin de la caresser. K est tenté de le ridiculiser. Mais qu'est-ce que tu fais, Bloch ? Je suis à genoux, maître. Qui est ton avocat, Bloch ? C'est vous, maître. Et qui d'autre ? Personne, maître. Mais tout de même, ce n'est pas un chien. Taisez-vous, monsieur le fondé de pouvoir, qui vous autorise à me parler ainsi. Surtout en présence de monsieur l'avocat, qui nous reçoit chez lui, vous et moi, seulement par charité. Calme-toi, Bloch. Laisse-moi, Joseph, tu me fais mal. Je vais auprès de Bloch. Lenny se libère de la main de K et va s'asseoir au bord du lit. Tout de suite, elle fait signe à Bloch, avec ses lèvres, de faire le baise-main à l'avocat, ce qu'il fait deux fois de suite en souriant. Comment s'est-il comporté aujourd'hui, Lenny ? Comme un brave garçon. Qu'a-t-il fait toute la journée ? Je l'ai enfermé dans la chambre de Bonne pour ne pas qu'il m'embête pendant mon travail. Parfois, j'ai regardé par le trou de la serrure pour le surveiller. Et alors ? Il était agenouillé sur le lit, en train de lire des documents de jurisprudence. Cela fait bonne impression. Il y avait très peu d'air et de lumière dans la pièce, mais il continuait à lire. Tu vois à quel point il peut être docile. Cela me fait plaisir de l'entendre. Mais est-ce qu'il a lu avec intelligence ? Avec intelligence, je n'en sais rien, mais très certainement avec application. Toute la journée, il a lu la même page en suivant les lignes avec son doigt. Je crois que les documents sont trop difficiles pour lui. Sans doute. Je n'imagine pas qu'il comprenne quoi que ce soit. Je les lui donne uniquement pour lui montrer le combat difficile que je mène pour sa défense. Donc, à 8 heures, je l'ai laissé sortir et lui ai donné quelque chose à manger. Donc il s'agit bien du chien de l'avocat. Si vous lui ordonnez de ramper sous le lit et d'aboyer, il le fera avec grand plaisir. Vous avez entendu, maître, comme il me parle à moi ? Tais-toi, Bloch ! Aujourd'hui, j'ai vu le juge qui s'occupe de ton procès. Mon procès ? Mon procès ? J'hésite à t'en faire part. Pourquoi hésiter ? Bloch, ne m'en parlez pas, ça ne vaut pas la peine. Ce crapaud, m'a-t-il dit ? Mais... Mais si, lui ai-je répondu, il est peut-être bête, c'est vrai, il est sale, il pue, mais en ce qui concerne son procès, il est irréprochable. J'exagère un peu en utilisant ce mot. Mais que dirait-il, me dit le juge, que dirait-il s'il savait que son procès... Mon procès... n'a même pas encore commencé. Pas commencé... Ce n'est que le début. Le début... Ça suffit, debout, Bloch ! De la dignité ! Ne voyez-vous pas que cette farce est jouée ? Pour m'impressionner, me soumettre, moi aussi ? Vous n'avez pas de leçons à me donner à moi, un homme dont le procès est vieux de plus de 5 ans. Vous, votre procès ne dure que depuis 6 mois. Dérisoire ! En plus, vous m'insultez, moi qui, dans les limites de mes faibles compétences, ai étudié tous les devoirs et les usages juridiques. Vous ne valez pas mieux que moi, même si vous êtes assis et que moi je rampe à 4 pattes. N'oubliez pas le vieux proverbe judiciaire. Pour un suspect, mieux vaut être en mouvement plutôt qu'au repos. Parce que celui qui se repose risque, sans qu'il le sache, de se retrouver sur le plateau d'une balance pour être pesé avec ses péchés. Bloch est tellement préoccupé par son procès qu'il ne distingue plus un ami d'un ennemi. Il vit enveloppé dans sa peur, dans l'attente du jour où, comme il l'a lu quelque part, le verdict final tombera sur lui sans crier gare. Quant à K, si l'avocat ne l'avait pas encore dégoûté, cette mise en scène lui donne le coup de grâce. Le but de sa méthode, qui dégrade également la victime et le spectateur, est de persuader l'accusé d'oublier le monde, de suivre une fausse route, de ne plus rien espérer, et de rester à se traîner, ou à traîner jusqu'à la fin de son procès. C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. 8e épisode, Le commerçant. Avec Stéphane Valinci, K. Bruno Labrasca, Bloch. Audrey Meul, Lenny. Jean-Claude Durand, l'avocat Hult. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.